Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc 0h26, donc vous pouvez nous appeler au 0800 08 5000 et 0870 5000. Fidler vous attend au standard. Apparemment, les 24 lignes sautent, mais pour l'instant, il est occupé. Et il décroche. Et toujours Rigaud. Bonsoir. qui vous attend sur l'internet, voilà, www.fr Fun Radio. Donc on est combien là pour l'instant, Rigo, s'il on te est plaît déjà 1280 et ça arrive, ça arrête pas d'arriver, tu vois, plus ça va et plus ça monte. Donc voilà. Le premier débat va porter sur les jeux télé. Donc on va accueillir pour ça Je pue la crotte, Yeto, on peut écouter Fun Radio non, sur... Ifto, Gérard, excuse-moi. Ifto. Ah, Ifto, d'accord. Ouais. T'écriras mieux, d'accord. C'est la, tout non, ce non, non, mais t'écriras mieux. C'est okay. Manu qui a écrit. Gérard, c'est mon écriture, tout ce qui est ville et fréquence. Ok, je te remercie, Manu, de préciser. Donc, non, on rien. Peut écouter écrit, Fun Radio sur 87.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir Tony. Non. Mais non, bon Tony, moi. Il est là. Écoute, Tony, allô. Oui, bonsoir, Gérard, bonsoir voilà. À tous. C'est pas moi. Bah oui, ben, bien sûr, Tony à Brest. C'est ça, Tony, c'est Paris. Il a le droit de voyager. Dans vacances à Brest. J'ai pas un sou, mais je prends le bus. Enfin, bref. Ouais. Pipoin. Pipion. Ouais, Pipion. Salut, Gégé, ouais. Albi, 97.1. Ouais, c'est ça. Non, mais répondez pas quand je parle. Bon, Pipoin là! Pipion! Oui, oui! Oh, Pipion, tu réponds ou quoi? Je suis là, merde! Oh, quoi, merde, va te faire foutre, ok? Oh, Gérard, doucement quand même, c'est le début, hein. Pute de nuit, Arras! Bah, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule! Foutez-vous de ma gueule, allez, hop! On attaque, comme ça! Non, mais présente quand même tout le monde, GG. Attends, pour un sens, c'est quoi ce bordel que tu me fais? Tu commences! Ah non, tu commences! Tu commences! Vas-y, vas-y. Attendez. Allô. Merde! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon, je fais le standard. Mais quoi, j'ai rien fait? Mais t'es dans ce bordel! Putain, mais c'est quoi? Putain, gueule pas, on va voir trois auditeurs. Oh non, mais attends, c'est quoi ce bordel là qui nous fait? Quoi, il y a je pue la crotte. Non, allez hop. Mais calme-toi, t'es énervé pour un rien. Putain, mais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ses surnoms, j'y peux rien. Attends! Toi, je te jure, dégage, je veux plus te voir ici. Dégage, casse-toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le standard? Comment on fait, attends, Gérard. Putain. Non mais Gérard, moi j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, c'est toute les semaines, c'est le bordel. Mais non. Mais si, bien, ça, ça va être le bordel. Mais non. Mais si, bah, je vois le coup arriver. Mais arrête des bêtises, c'est toi qui es énervé ce soir. Attends, moi je vois le coup. Non, t'es énervé d'office. Tony. Ça va bien se passer. Bien sûr. Gérard, t'as décidé que ça allait être le bordel. T'as décidé. Ouais. Alors donc c'est ta faute. Ouais, pourquoi? Parce que il est là. Il a pas été. Je ne voulais pas ce soir. Mais qui est à ta place? C'est bon. Je ne veux pas! D'accord, bah tu choisis quelqu'un, alors il n'y a personne au standard. Olivier. Comment on fait? Non, mais là, il voulait quelqu'un, c'est lui qui remplace, c'est lui le chef, j'en ai parlé hier. Bon. C'est Gérard au standard? Bah, il fait tout, Gérard. Et Françoise? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Gérard. Ah, Françoise, salut. Oh, on se calme! Bah, écoute, j'ai le droit de dire bonjour quand même. C'est quand même Gérard, la star. Ouais, c'est clair. Vas-y, Gérard. Ça allez. Commence à. Allez, boum, première question. Allez. Génial, voilà, c'est bien. Fais voir. Non, attends. C'est quoi les noms qui me cherchent? J'en ai rien à foutre. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Salut Gérard, ça va? Salut. Hey Gérard, est-ce que tu pourrais me prendre au standard là? J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Non. C'est qui? C'est qui veut me parler? Rodrigo. Hein? Rodrigo. Bon Gérard, allez, on y va, parce qu'il n'y a personne au standard, c'est la merde. Ouais. Alors vas-y, Gérard, alors, première question. Dans le débat. Première question, c'est sur les jeux télé. Quel est votre jeu télévisé préféré? On va demander ça à Je pue la crotte. Je sens la crotte, bonsoir. Moi, mes jeux télévisés préférés, bon alors mon jeu télévisé préféré, c'est quand même le Big Bill. Faut le dire, c'est un jeu passionnant et j'adore la gaffe. Ouais. Voilà. C'est tout? Ouais. Alors, Pipion. Ben moi, c'est sans aucun doute le juste prix, hein. Ouais. C'est vraiment bien, quoi. C'est intéressant, c'est culturel, enfin, c'est tout, quoi. Ouais, d'accord. Vous cherchez pas trop à... Bah, c'est vrai. Non, mais vous cherchez pas trop à répondre aux questions, hein. Bah, pourquoi faut bah, tu me dis... En plus. Alors, pute de nuit. Ouais, moi, c'est 100% question sur Arte. Comment? Moi, c'est 100% question sur Arte. Non, sur Arte. Non, sur Arte, il y a si, rien. Il si, y a Formos sur l'IRC, Formos qui me précise le mieux, c'est 100% question. Pas d'animateur, non, pas de décor, pas de candidat. Non, sur Arte, il y a aucun jeu télévisé, je suis désolé. C'est pas Arte, c'est la cinquième. C'est la cinquième. Mais Arte, ça fait un peu plus. Artoni. Ouais, non, moi en fait, j'aime pas trop les jeux sur TF1, je trouve ça un peu débile, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu pour les beaufs. Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux sur France 3, question pour un champion, et puis aussi 100% question. Et Cadox ? Pardon ? Le Cadox ? Le Cadox, non, j'aime pas trop, parce que ça me fait trop penser à la Cadillac 9. La famille en or. Ah non plus, parce que c'est sur TF1. Et alors ? Ouais, ben j'aime pas, non, en fait, non, parce que je trouve ça... Ah, dans ce cas-là, si ça te plaît pas, tu changes de chaîne, et c'est tout. Voilà, il a le droit de pas aimer. Il a le droit de pas aimer. Il regarde les autres chaînes. Bah ouais, c'est ce que je fais, ouais, c'est ce que je te dis, Gilles. Françoise. La gaffe. La gaffe, le juste prix. La roue de la fortune. Oui, avec Philippe. Ouais. Philippe, tu le connais? Bah bien sûr, ouais. Ah bon? Ouais, ouais. T'as déjà couché avec lui, Françoise, non? Oh, Manu, ça suffit. Hein. Ouais, je demande, je me renseigne. Et Françoise, tu regardes Cascado ou pas? Non. Et j'en ai rien à foutre pour terminer. Moi, c'est le Big Bill, mon préféré. Et j'ai pas suivi une fois. Et en fait, à RG2, j'ai une boîte de coton-tige. Alors, toi, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est vrai. J'en ai rien à foutre, c'est terminé non, pour je toi. J'ai vu cette émission, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bon, alors, si vous commencez à me casser les burnes... Mais je te casse pas les burnes, Gérard. C'est vrai, j'ai participé. Tu réponds comme il faut à la question et tu la fermes. Bon, alors, c'est le Big Bill, quoi. Parce que pour l'instant, vous avez... Là, pour l'instant, vous êtes en train de me casser les couilles et j'aime pas ça. Oh, c'est bon signe, alors. Allez, Gérard. Hey, continuez comme ça, vous allez... Allez, enchaîne un peu, là. Qu'est-ce que t'as, toi? Bah quoi, t'es animateur radio ou t'es un banquier? Qu'est-ce que t'as, là? Bah quoi, tu me cherches, là? Vas-y, je n'éclate pas le manouche qui s'éveille en moi. Si t'es pas content, tu te casses. Ok. Gérard, arrête d'être agressif. Bon, allez, enchaîne. On enchaîne. Lors des émissions des jeux, jouez-vous à deux ou à plus ou autre? On va demander à Françoise. À plusieurs. Tu peux préciser? C'est-à-dire que je joue moi, mon fils et puis mon partenaire. Ouais, mais tu peux préciser sur quel jeu à peu près, Françoise? Bah, la plupart, c'est la IGAP. Et ainsi que le juste prix. D'accord. Sexuel, J'en ai rien à foutre. Bah moi, disons que je joue tout seul parce que j'ai qu'un chat, donc je joue tout seul. D'accord. Je crois que toi, pour l'instant, t'as pas l'air de comprendre ce qu'on pose comme question. Rigo. Oui, sur IRC, il y a Davy One qui te demande est-ce que tu serais intéressé de présenter un jeu télé sur Fun Radio? Non. Présenter un jeu télé sur Fun Radio, ça m'étonnerait. Allô. Bon, alors celui qui s'amuse à roter va arrêter. Ça pourrait s'appeler le Fun Big Bill. Allô. Allô. Non mais c'est quand vous voulez, vous... vous allez pas commencer le premier débat comme ça. Bon, allez, tu poses ta question, allez. Un jeu comme le pauvre blaireau, ça t'intéresserait pas? Alors Tony. Oui. Le blaireau, il t'emmerde. Non mais c'est un jeu. Parle pas de pas toi. De gros mots, un jeu sur Fun Radio, ça. Pauvre blaireau, là. Bingo. Bon Gérard, je sais pas, fais quelque chose, mais non, non, mais attends, pour l'instant. Si, parce que là. Non, mais attends, pour l'instant, personne n'est capable de gérer l'autre. L'autre Pildar, il me oui, mais regarde, maintenant, il n'y a personne au standard, tu l'as viré. C'est la merde. Tu vas là. Qui c'est qui fait la merde? Olivier, quoi là? Allez, vos gueules derrière, s'il vous plaît, merci. C'est ingérable. Olivier! C'est inadmissible. Olivier, merde! Olivier, tu peux le standard. Non, tu laisses ouvert. Non, tu fais le standard, tu me calmes tout le monde déjà pour commencer. Bon, vous vous calmez un peu. Non, mais t'éteins ça. Prends-moi, Il y a Tony qui veut te parler, donc tu te débrouilles avec lui. Donc, j'en ai rien à foutre. Tu peux reposer la question, s'il te plaît. Non. Je repose plus les questions. Ah, les gens, même les gens d'IRC, ils l'ont pas compris, la question. Alors, lors des émissions de jeu, jouez-vous à deux ou... Ou autre. Bon, alors... Quand vous avez fini de me faire chier comme ça, ben vous me le dites. Je peux répondre, Gérard? C'est qui? Je réponds. Plus de nuit. Ouais, ben vas-y. Bah moi je suis un peu comme l'autre garçon, j'ai aussi qu'un chat, donc je joue toute seule, mais bah, oui. Si j'aille jouer avec lui, je veux bien. Hein. Gérard, tu gueules, mais si on a qu'un chat, comment tu veux qu'on fasse? Bon attends, pour l'instant je t'ai pas sonné, toi. Bah si, tu m'as engueulé tout à l'heure. Non, mais pour l'instant, moi, je t'ai dit que je t'ai pas sonné. Donc, tu laisses parler les gens. Donc, plus de deux nuits. Ouais. Donc, pour toi. Mais je t'ai dit, je joue avec mon chat aussi. Donc, jouer à deux, c'est plus sympa. Donc, si le garçon veut que j'aille jouer avec lui, il n'y a pas de problème. Mmh. Ok. Pipion. Ben, moi, je regarde comme ça. Je regarde la télé, je joue pas. Ça m'intéresse pas. Ça te chavait les fesses. Voilà. Ok, je pue la crotte. Ouais, je sens la crotte, bonsoir. Moi, je joue avec mon chat aussi. D'accord. Tony, il est au standard avec Olivier, Tony. Ouais, je suis là. Donc moi, GG, je joue en famille. Ah, question pour un champion, mais comme c'est j'ai une famille d'immigrés, ils n'arrivent pas à répondre aux questions, donc c'est moi qui joue tout le temps. Bon, Tony, tu vas te calmer. Vrai, écoute, tu vas te calmer parce que tu passes tout le test même dans les débats. Écoute, je te kiffe, c'est pour ces 100% FN. Non, moi je te kiffe, je t'emmerde, ok. Mais Gérard, il a rien dit là. Bon, attends, je t'ai pas insulté là. Et pour le même prix, je t'insulte, je te le dis direct. Hein. Bien, Olivier. Il est fan de dos, quoi, Gérard. Comprends-le. Bon, allez, Gérard, on enchaîne. Enchaîne. Allez. Alors, troisième question. Je répondrai après aux questions. Allez, abrège. Attends, si t'es pas contente, tu dégages, ok. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Ben Gérard, allez! Non mais attends, celui qui s'amuse à dire j'insulte ton cul, je l'emmerde! Allez, okay. Gérard! Pas d'insulte! Parce que là, ça va pas commencer comme ça! C'est pas forcément à toi qui parle. Vas-y, enchaîne. Trouvez. Qu'est-ce que t'as, Tony? Je t'ai dit de dégager! Mais c'est pas Tony, allez, Gérard! Je sens la crotte, c'est bon, allez, enchaîne. Eh putain, vous avez pas commencé à me casser les couilles au premier! Vous verrez qu'on dit rien, alors c'est ton cas. Alors trouvez-vous qu'il y a trop de pubs entre deux? Entre deux quoi? Entre deux cul. Ah bah, de toute manière, vous allez réfléchir, on va s'écouter. Les suçons. Attends, repose la question. Calmement. Alors trouvez-vous qu'il y a trop de pubs entre deux et on va s'écouter. Voilà, attends, où est-ce que les gens peuvent nous appeler? Au 0870 5000, c'est Olivier qui vous attend. Et sur l'IRC, il y a toujours Rigaud. Ouais. Donc vous pouvez toujours essayer de nous appeler sur l'IRC, donc www.fr, Fun Radio. Voilà, tout à fait. Et on a dépassé les 2500, on est à 2782. Ouais, c'est bien. Ça monte bien, quoi. Donc Gérard, j'aimerais bien que ton débat se passe bien pour ces gens-là, qu'on essaye encore de battre. Ouais, mais moi aussi, je voudrais bien que ça se passe bien. Donc on va s'écouter les soupçons de ma grosse sont les meilleurs avec des portes Gertel et on se retrouve tout de suite après. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc on se retrouve, il est 0h45, c'est toujours Olivier qui est au standard, qui vous attend au 0800 70 5000 et 0803 0800 70 5000 et 0803 0800 70 5000, et toujours Rigaud qui est sur l'internet vous pouvez toujours nous laisser des petits messages sur l'internet www.fr tout et à on fait. Va se... oui Rigaud. Oui tout à fait, non mais je te laisse finir, t'allais dire quoi? Et on va saluer quand même les Belges parce que on n'a pas beaucoup de Belges, donc, si il y en a, enfin, contrairement à ce que tu crois, il y en a beaucoup sur l'IRC justement, vu qu'il y a des gens de partout à travers le monde. Et voilà quoi, les Belges ils sont en train de s'exciter là parce que je parle d'eux. Et il y a même des gens de très très loin et malheureusement il y a des gens qui captent pas TF1. Donc, non mais... Ah ouais. Ils écoutent quand même le débat via internet. Ok, donc on va réécouter, on récupère, je pue la crotte. Pardon, c'est moi. Merci excuse-moi. Manu. Rebonsoir. Donc je pue la crotte. Rebonsoir. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'Olivier vous a dit. Ça y est, c'est bon. Donc, Pipion. Oui, bonsoir. 18 ans. Pute de nuit. Bonsoir, Gérard. Donc, Tony. Bonsoir. Françoise. Bonsoir, Gérard. Et j'en ai rien à foutre. Bonsoir. Alors, donc, maintenant, je vais quand même répondre aux deux questions. Non, mais vous commencez pas, d'accord? Parce que Olivier vous a calmé, si vous continuez, de toute manière, on va changer les noms. Ok, c'est bon. Ah bah, il n'y a pas de problème. Hein? Non, mais de toute manière, on va reprendre d'autres personnes à la place. Parce qu'il y a quand même 24 lignes qui sonnent. Ok. Donc, je voudrais bien que vous répondiez, qu'on fasse des débats corrects. Hein? Ok, je voudrais bien qu'on arrive à faire au moins les deux débats potables, pas comme toutes les semaines que ça foire. D'accord. Hein? Okay. Donc, alors, la première question, quel est votre jeu télévisé préféré? Donc, j'ai pas répondu, maintenant je vais vous répondre. Donc, comme Françoise, elle écoute, et puis tout le monde, je pense, regarde TF1. Donc, il y a le Big Bill, il y a le Juste Prix, il y a le Millionnaire, il y a Drôle de jeu, et il y a plusieurs jeux qu'on peut regarder, et bon, bien sûr, ceux qui adorent le Big Bill, donc c'est sûr qu'ils regardent tous TF1. Bon, sur la deuxième question, lors des émissions de jeu, jouez-vous à deux ou autre? Bon, là-dessus, je pense que là, c'est un peu dur de répondre, parce que en fin de compte, on peut regarder le Big Bill ou autre, même le Juste Prix. Bon, c'est sûr que c'est pas évident à trouver sur des chansons. Parce que là, ce soir, j'ai écouté les chansons, elles étaient faciles. D'habitude, c'est un DJ qui le fait. Et donc, c'est pas évident à trouver les chansons. Mm-hmm. Donc, la troisième question. Trouvez-vous qu'il y a trop de pubs entre deux? Donc, alors, je m'explique bien. Les pubs, dès que le début de l'émission commence, au bout d'une demi-heure à peu près, vous avez une pub. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Donc, on va demander j'en ai rien à foutre. Bon, non, je trouve pas ça normal du tout. Ils mettent beaucoup trop de pubs. Ouais, mais tu peux t'expliquer? Disons qu'ils mettent une à deux pubs pendant une émission qui dure une demi-heure, ça fait beaucoup trop. Ouais, mais bon, d'accord. Non, ok. T'inquiète pas, de toute manière, je vais avoir une réponse aussi là-dessus. Rigo? Non, Gérard, j'ai un sondage vite fait sur Internet. Ouais. Alors, sondage sur Internet. 32% des internautes se cuisent des choux de Bruxelles en regardant le Big Bill. 23% des auditeurs voudraient savoir ce qu'ils peuvent gagner en répondant au sondage. 20% des auditeurs ne trouvent plus leur télécommande. 15% des auditeurs ne savent pas suivre les jeux TV car ils n'ont pas Arte. Et 7% des auditeurs préfèrent regarder Santa Belgica. Ok. Bah, de toute manière, sur Arte, il n'y a pas beaucoup de pubs. Hein. Mais tu regardes. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur Arte. Tu regardes souvent Arte? Non. Non. Bah, comment tu peux savoir alors? Non, parce que je regarde plus la première. Comme Françoise. Donc, Françoise. Tout ce que je peux te répondre, moi, je trouve un peu dommage qu'ils mettent trop de pubs, mais comme tu regardes la gaffe, mm-hmm. ça permet aux candidats qui sont au téléphone en direct de chercher dans leur dictionnaire. Ouais, sur Non, non, attends, Tony. Ah, non, mais c'est truqué. Non, c'est pas truqué. Parce que moi, je vais te dire une chose, que ce soir, la question a été, qu'est-ce que c'est un palindrome? C'est un mot qu'on peut prononcer d'un sens à un autre. Et tu le savais, ça? T'as un exemple? C'est-à-dire, ouais, un exemple, ouais, parce que moi, je capte pas. Palindrome, par exemple, tu prends en cassette. Mm-hmm. Tu fais, tu prends à l'envers, ça fait 7K. 7K, mais c'est voilà. C'est du verlan, ça. Wesh, wesh. Bah ouais. Ouais, ouais, wesh, wesh, big up. Bah ouais. tu connais quoi en verlan? Comment? Non, j'ai rien dit. Ah, tu connais quoi en verlan, toi, Gérard? Moi, en verlan, je connais rien du tout. Comment on dit, Gérard? En verlan, comment tu dirais, je sais pas, moi. Bonjour, bonjour à tous en Verlan. Coton-tige. Olivier. Non, pardon. Gérard, en Verlan, c'est feu beau. Bon, on va demander à Tony maintenant. Ouais, je trouve qu'il y a trop de pubs à la télé, c'est vrai, mais c'est surtout sur TF1. C'est clair. Ouais, parce que France 2, ils en ont pas trop de pubs, en fait. De toute manière, ils en mettent quasiment pas du tout. Ouais, c'est vrai. France 2, tu rigoles? Non. Attends, Tony. Tony. Ouais. Tony, laisse parler. Laisse-la finir. C'est qui vient de dire? C'est plus de nuit. Ouais, ben maintenant ça va être à ton tour. Après, je vais vous répondre. Je te disais qu'il y avait autant de pubs en fait sur la 2, sauf que eux ils coupent pas les émissions, donc il y en a encore plus entre les émissions. Ah ouais. D'accord. Ok. Attends. Gérard, je sens la crotte, tu peux répondre. Non, attends. T'as déjà. Non, j'ai pas répondu. Non, mais attends, on va demander à Pipion. Tu peux répondre à ta question quand même. Ouais. Mais qui c'est qui a coupé là? Qui c'est qui a coupé? Non, c'était Pierre Fulin, mais j'ai rappelé. Bon, c'est Pipion, je te réponds. Attends. Olivier. Je sens la crotte pour soir. Quoi? Olivier, non, mais ça. Pour moi, je veux dire, il m'a appelé pour moi. Pour demain. Non, mais Olivier, ça va pas aller, hein. Quand quelqu'un coupe, tu me prends d'autres personnes, hein. Ah, d'accord. Pipion. Je les appelle. Ouais, bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de pubs. Il faut pas trop se plaindre parce qu'en Amérique, il y en a encore beaucoup plus. Donc, voilà. Bon, d'accord. Toi, je crois que t'es carrément à côté de la plaque. Hein. Ah ouais, comme je pue la crotte. Je sens la crotte, bonsoir, oui. Moi, je trouve ça normal. Non, c'est je pue la crotte, c'est pas je sens la crotte, c'est je pue la crotte qu'on m'a marqué. Ok. Donc, moi, je trouve ça normal qu'il y ait de la pub sur TF1, vu que c'est TF1. Donc, TF1, c'est 100% pub, c'est pas 100% tube comme ça, c'est 100% pub. Mm-hmm. Donc, c'est normal. Mais sur France 2, je confirme, il y en a bien. Ah ouais, alors moi... Il y en a trop. Attends, avant Friends, avant de regarder l'épisode de Friends, ils se mettent... Il y a un quart d'heure. Non, attendez. Parce que là, attendez. C'est qui là qui veut répondre avant moi? Ouais, bah... Elle est chaude. Non, mais tu réponds comme il faut, s'il te plaît. Oui, non, mais je te réponds. C'est vrai, avant Friends, il y a un quart d'heure de pub. Non, moi je peux te confirmer. Tu regardes, moi je te confirme que de moins 25 jusqu'à 50, tu as de la pub. Bon, moi je peux confirmer, et ça je reviens. Oh, ça y est, derrière. La seule pub que j'apprécie, c'est quand on voit Jennifer Aniston. Ouais, à la fin. Moi, bon, hein. vous me laissez parler ou pas? Moi, Ross, je trouve qu'il a un peu une tête de chien battu quand même. Tony. Ouais, ouais. Tu te calmes. D'accord. Donc, je vais répondre à Françoise. Oui. Donc, de toute manière, tu m'as appelé. Ouais. Donc, on a regardé vaguement et t'as vu comme moi, c'est ce qu'ils ont passé, des pubs. Donc, moi, je trouve une chose, et ça, je pense que personne ne me le contredira, c'est que sur TF1, c'est malheureux à dire, c'est que sur TF1... Oh, vous arrêtez derrière de ronfler comme des putes! Non, c'était un bruit de mobylette. Ouais, mais les bruits de mobylette, ils vont se casser. Je vais les calmer. Je vais calmer les mobylettes. Hein? Continue à se casser. Ça commence à bien faire. Continue, allez, Gérard, vas-y. Là, continue sur TF1. Donc, alors, tout à l'heure, la question, c'était qu'est-ce qu'est un palindrome? Ouais. Donc, ils ont passé la pub. Il y a eu 4 minutes de pub. Pendant ces 4 minutes-là, t'as rien pu comprendre. Parce que t'as eu la pub et après, tu l'as eu. Et ça, c'est un truc que je trouve dégueulasse. 4 minutes. Mmh. Il y a 4 minutes. Gérard, s'il y a de la pub dans une émission, ça veut dire que ça marche. Donc c'est plutôt bien, quoi. Non, mais même, moi je trouve pas... Non, moi je trouve que lors des jeux... Moi je suis d'accord avec Gérard. Hein. Non, moi lors des jeux, tu mets pas de pub. C'est faux. Mais attends, dans ces cas-là, t'es lancé dans un jeu... Bon, c'est là. Laissez Gérard parler. Vas-y. Lors d'un jeu, de manière, on peut pas se concentrer pour trouver quelque chose. Bah ouais. Par exemple, sur la 2, c'est faux, il n'y a pas de pub. Ouais. Il n'y a aucune pub. D'ailleurs, il y a plus de gens qui gagnent sur la 2 que sur la 1. Ouais. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pub. Parce que sur, que ça soit Le Millionnaire ou Juste Prix, de manière, il y a des pubs dans partout. Mais il ne faut pas non plus se concentrer pour jouer au Juste Prix, il faut arrêter d'halluciner, quoi. Si. Ouais, mais attends, Juste Prix, de manière, t'es sélectionné, faut bien te concentrer pour trouver le cadeau. Pour trouver le rideau. Sur IRC, il y a Alf qui dit qu'en fait, la pub, ça sert à réfléchir pour trouver les bonnes réponses. Bah oui. Non. Et Gérard, est-ce que tu regardes le jeu là après Friends là, c'est qui c'est avec Marie Ange Nardin Mock. Qui est qui? Non. Qui c'est avec Marie Ange Nardin Mock? Non, je le regarde pas. T'aimes pas? C'est une Lady Fun à Pépita. Non, mais même bon Tony. Non, c'est pas lui. C'est qui? C'est le but du jeu, hein, qui est voilà, qui, faut trouver qui c'est quoi. Ouais, mais même, de toute manière, moi, je trouve que c'est un peu con, parce que... T'as pas de métier. Non, mais même, de toute manière, tu peux pas regarder dans un dico... Non, mais c'est clair, moi, j'ai du mal à me concentrer quand je vois le millionnaire, ils mettent une pub et j'arrive pas à tourner la roue de mon VTT, c'est clair. Bon, alors toi, tu vas tourner ta roue de ton VTT avec Olivier au standard. Salut à toi. Mais non. Tu vas tourner la roue de ton VTT. Non. Pour calmer le débat, il y a Oxyde qui te demande comment on fait pour gagner Marie-Ange Nardi, comment on fait pour la gagner. Salut. Comment? C'est Marie-Ange Nardi Namok. Tony, tu te calmes. D'accord, parce que toi aussi, tu as peur comme les autres. Non, mais c'est son vrai nom, mais c'est un nom d'artiste, elle l'a coupé en deux. Je t'aime, Tony. Elle est gentille, cette Marie-Ange. Oh! On se calme. Ouais, mais quoi, elle a un petit peu grossi, hein. Je sais pas, depuis qu'elle s'est fait griffer par le tigre, là. Oh, c'était un lion. C'est bizarre, hein. On se calme. C'était un lion, excuse-moi. Alors, avez-vous déjà participé à un jeu télé? Si oui, lequel? On va demander ça à Je pue la crotte. Parce qu'elle avait ses règles. Je pue la crotte. Non, tu l'as viré. Je viens de le virer, là. C'est celui que t'as viré tout à l'heure. Ah bon, ouais. Celui je suis en train d'appeler quelqu'un d'autre. Ok. Mais Olivier, pas sur le même nom, hein? Non, d'accord, non. Tu me prends sur les mêmes. Non, mais j'appelle quelqu'un d'autre, là. Voilà. Donc, on va demander à Pipion. Non, j'ai assisté à aucune émission télé. Non, Pildar. Attends, Pipion, ouais. Avant que je te parle. Non, non. C'est pas la peine d'essayer de donner des numéros à Olivier. Olivier, il prend le standard et c'est tout. Ouais, sur les 24 lignes. Non, c'est moi qui l'ai pris, Gérard, c'est une vraie auditrice qui a participé au Big Bill. Voilà, elle vient de m'appeler, elle vient de me rappeler, elle voudrait participer au débat. Elle a 40 ans, elle est amoureuse de toi, elle est folle de toi. Non, mais... Mais si bien. Bah, il faut qu'on la rappelle, Gérard, elle a participé à un jeu télé, c'est la question. Vas-y. Vas-y, tu l'appelles donc, on va demander à Pipion. Gérard, pour revenir au débat, il y a Le Chien sur IRC qui te demande si les jeux télé sont tous en direct. Oui. Mais en direct d'où? Non, ils sont en direct dans les studios comme là on est. Ouais. Ils sont en direct et c'est bien fait en direct, c'est pas truqué. Non, je crois pas. Mais Gérard, est-ce que tu crois que c'est le même public qui fait toutes les émissions toute la journée? Le public change. Ah bon? Mais de toute manière, je peux le certifier, ça, Françoise pourra le confirmer, parce que Françoise, elle me l'a dit tout à l'heure au téléphone quand elle m'a appelé chez moi. Elle va participer dans... Avec son culotte. Oh ! On a un scoop. On se tait. Donc le scoop, c'est que Françoise va être dans le public le 18 janvier. De quel jeu ? Lors du Big Bill. Ouais. Et François, c'était nous un coucou. Est-ce que la caméra est sur moi? Oui, bien sûr. Tu fais une banderole, Max Star System. Voilà, tu fais un peu de pub pour Fun Radio. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on va demander à Pipion. Ouais. Attends, Gérard, entre-temps... Gérard, c'est là-bas. Ça se passe là-bas. Entre-temps, on accueille On se calme avant d'accueillir Béatrice aussi. Et d'abord, On se calme, c'est un auditeur. Bon, que je t'écoute. On se calme. Oui. Bonsoir à toi. Bonsoir. Allô. Oui, je t'écoute. Ouais, je viens d'arriver. Tu peux me poser la question? Donc, avez-vous déjà participé à un jeu télé? Si oui, lequel? Donc, je demande à Pipion. Non, j'ai pas assisté à des émissions télé. Donc, t'as jamais été sur un plateau télé? Non, mais ça m'intéresse pas trop. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on me voie à la télé, et puis voilà. T'es moche, toi. Non, attends, Tony, s'il te plaît. On se calme, là, parce que c'est moi. C'est moi qui pose les questions, d'accord? Donc, je voudrais avoir plus de renseignements. Bah, non, j'ai pas envie de passer à la télé, puis c'est tout. Donc, pour toi, si un jour on t'appelle chez toi, tu voudras jamais participer à un jeu télé. Non, je veux pas. Parce que tu veux pas qu'on voie ta tête. Non, c'est pas ça, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ouais, mais précise. Bah, je sais pas comment dire. C'est ton nom. Tony, s'il te plaît. C'est pas lui. Ah, mais tu m'en veux là ou quoi, non? Où j'en ai rien à foutre, là, tu te calmes. Hein? Bon, ok. Donc, c'est pas du genre à crier sur un plateau, voilà, c'est tout. Mais non, mais de toute manière, t'as pas à crier, t'as simplement à applaudir pour... Quelquefois, et toi, t'as envie de le faire, Gérard? Personnellement, non. T'as pas envie d'aller gagner des trucs à la télé? Non. T'as pas envie de gagner des bagnoles? Une bagnole ou un petit million, Gérard, tu dirais pas non, quand même. Une bagnole, à la rigueur, ouais, je dirais pas non. Bon, on va demander à pute de nuit. Ouais. Moi, j'ai déjà acheté une mission, mais j'avais 7 ans. J'avais 6-7 ans, c'était à Paris. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y avait Rika Zaraï, parce que c'était à fond dans le studio. Elle est moche, elle. Ouais, elle est moche, elle chante mal. Non, mais attends, à 7 ans, tu peux participer à un jeu télé? Ouais, c'est vrai, c'est... Non, mais c'est vrai que là, ce soir, j'ai regardé, il y avait des enfants qui avaient 5-6 ans à peu près. Je confirme, il y avait un bébé de 2 semaines aussi. Ouais. Non. Il y avait un bébé pas né aussi dans le public ici. Ouais. Il y avait même des femmes enceintes. Non. Tony? Ouais, moi j'ai participé à Fort Boyard, mais j'ai failli me noyer en fait. Ouais, d'accord. Toi, quand tu répondras correctement aux questions, avant de demander à Françoise, Rigaud, oui? Oui. Est-ce que alors non, mais parce que ils sont en train de se parler entre eux. Tu vois, en train de tous ils s'en foutent, se raconter leur jeu télé quoi. Là, pour l'instant, ils t'écoutent pas vraiment, mais depuis que j'en parle, ils arrêtent pas. Turpentine te demande si t'as déjà joué à Top Santé. Non. Top Santé, c'est quoi ça? Ça a jamais été un jeu. Tu gagnais des rasages gratuits, je crois. Ouais, non. Top Santé. Si je te jure. Tu peux te faire opérer du kiss gratuitement, je crois. Tony, tu te calmes, s'il te plaît. Bon, Tony, tu retournes voir Olivier au standard. C'est le jeu, c'est comme ça. Tu retournes voir Olivier au standard, s'il te plaît, merci. Olivier. Gagner un an de qui? Olivier. Ouais, je gère. Olivier, je gère. Tu prends Tony, tu lui dis qu'il se calme ou sinon il s'en va. Terminé. Donc, Françoise. Oui. Donc, toi. Bah, toi. Ça y est, j'ai déjà répondu. Ça va pas, là. Tu fais du bordel, tu vois. Tu peux pas aller. Ouais. Se calme. Bonjour. Bonsoir. Ton cul. Donc, toi, Françoise, pour l'instant, t'as jamais participé, donc non, non. Tu as participé pour la première fois le 10. J'ai pas participé, hein. Tu vas faire. Seulement spectateur. Hein. Ouais, tu fais partie du public. Voilà. Donc, tu vas y être à partir du 18 janvier. Lundi 18 janvier. Ok. J'en ai rien à foutre. Bah, moi, j'ai participé à l'école des fans, là, avec le gros porc. Gros port, tu restes poli, s'il te plaît. Carlos. Avec Jacques Vartin, et j'ai gagné un circuit électrique et deux patins de... Toi, tu dégages. Deux paires de patins à roulettes. Ouais, c'est ça. Alors, j'en ai rien... Non, toi, j'en ai rien à foutre. Tu retournes voir Olivier au standard. C'est pareil pour toi. Ah, je peux plus. On se calme, je peux répondre. Bien fait. Alors, on se calme maintenant pour toi. Ouais, donc moi, j'ai participé à un jeu, ça s'appelait les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard sur RTL, pardon. Et ouais, c'était assez sympa, quoi. J'ai pu avoir un autographe de Castelli et puis le cheveu sur la langue d'Isabelle Mergo. Ouais. Non, mais attends, un jeu télé. Hein? Jeu télé. Non, ouais, mais il y a faut des pas confondre. Et alors, les Grosses Têtes, ça passait sur TF1, abruti. Abruti, va te faire sauter, non, toi, mais... connard. Oui. Ok. Quand tu veux, je t'attends. Alors tu dégages, on se calme. Allez hop. Mais non. Terminé pour toi. Tu dégages tout le monde aujourd'hui, Gérard. Hein, ça rigole pas. Ah, allez. Ton cul. Tiens, on accueille tout de suite. Tu dégages à l'antenne. Non. Bonsoir. Non, tu dégages. Je l'ai déjà eu de la semaine dernière. J'en veux plus. Hop. Ouais, mais il va être sage. Il a plein de choses à dire sur Internet, tout ça. Non. Mais Gérard, allez, fais pas le con. Non. Allez, fais pas la pute. Oui, bonsoir, donc aujourd'hui il est jeu de 20h avec Gérard de Churenne, le plus beauf des plus beaufs. Bon alors Gérard. Enfin, alors donc on reste avec Pipion. Gérard, sur IRC, il y a Kenji qui te demande si t'as déjà joué par téléphone à Hugo Délire. Non, je pense pas que parce ça existe. Il a une cassette et il a enregistré, il me dit que c'est ta voix et tu draguais Karen Cheryl. Alors, donc, vous allez... Gérard, j'aimerais savoir si c'est vrai que Sandy, elle a couru dans Interville et pourquoi est-ce qu'elle... Alors, Tony, tu dégages. Tony, c'est terminé. Terminé pour Tony. Terminé. C'est terminé pour lui. Oh non, ah non, pas non. Tony. Bon, non, pas non, Tony. Terminé. Oh non, terminé. C'est une chance. Alors, Tony, j'en ai rien à foutre et on se canne. Et... Attends. J'ai pas suivi, j'en ai rien à foutre aussi, il est parti. Ouais, tu veux dire. Il était méchant. Alors, j'en ai rien à foutre, on se calme. Et Tony, ils s'en vont. Et tu me récupères d'autres personnes sur les 24 lignes qui sonnent. Connard, va te faire enculer, toi, bâtard. Gérard, pas de... Alors, hein. Le Big Bill était vraiment un extraterrestre et on se retrouve tout de suite après. Et vous pouvez toujours appeler Olivier au standard... Gérard, vous allez. Pouvez toujours appeler Olivier au standard au 0800 70 5000 et 0803 08 5000, et toujours sur l'IRC, il y a toujours Rigo qui vous attend. Ouais. On est combien, Rigo? On a dépassé les 3000, on est à 3280,8, donc ça booste. Voilà, donc big up, heureusement que tu es là pour faire du boulot. T'inquiète. Donc on va s'écouter Bouffe du Couscous avec des petits beurres, s'il te plaît. Merde, ah bah c'est bien ça, c'est bien, hein. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous venez de vous écouter Bouffe du Couscous avec des petits beurres, s'il te plaît, merde. Donc c'est ce que Manu m'a donné comme disque. Ouais, c'est bien, hein. Bah, à mon avis, c'est un truc techno. Ouais, c'est de la techno, hein. C'est techno, grave. Ouais, c'est techno, grave. Grave. Donc on va récupérer Petit Pion. Ouais. Pute de nuit. Salut. Et Françoise. Salut. Ok, alors on a que Canada aussi qui vient de l'internet. Alors, attends, tu me fais... Tu me fais un faute de me aider, non? Donc, Keneda, bonsoir. Bonjour. Salut, Gérard. Ça va? Bonsoir à toi. Il y a Chang aussi. Il y a Chang. Et Chang. Salut, Chang. Bonsoir. Bonsoir. Chang. Bonsoir. Ding, ding, ding, ding, ding. Oh, s'il vous plaît. Bonsoir, tout le monde. Bon, alors, donc, la question... François, c'était toujours là? Oui, je suis là. Ah ouais, je t'avais oublié. Non, mais tu m'as cité, hein. Ah, ok. Ok, je croyais que j'avais pas... Non, tu m'as cité. Ok. Donc, alors, la question, c'est que le Big Bill est-il vraiment un extraterrestre? Ben, on va demander, tiens, à Pipion. Ouais. Pipion. Ouais, donc, non, Big Bill n'est pas un extraterrestre, évidemment. Mm-hmm. Et c'est juste un... C'est virtuel, quoi. C'est en 3D, c'est un truc... Une image de synthèse. Ouais, une image de synthèse, ouais. Qui c'est qui répond, là? C'est Chang. Heureusement qu'il m'a aidé, parce que je cherchais le mot, en fait. Non, c'est le terme technique. Ouais. Alors, on va demander à... À Pute de nuit. Ouais. Bah, Big Bill, c'est un vrai extraterrestre, hein. Mm-hmm. D'ailleurs, t'as sa famille aussi. Donc, c'est la preuve, hein. Ouais, non, mais dans la famille, bon, c'est sûr, ça, c'est pour faire voir aux candidats ce qu'ils veulent comme cadeau. T'as le frère, t'as la sœur et t'as la mère. Ouais, mais c'est vrai, c'est sa vraie famille. Non, mais ça, on le sait pas. Bah, si, ils le disent. Non. Ils ont la même tête. Non. Moi, je peux te confirmer que à mon avis, je pense pas. Hein. Donc... Qui c'est qui met un double son là? On va régler ça. Genre. Donc, Françoise? Oui, moi je te dis non, pour la bonne raison, c'est qu'on l'a déjà vu une fois en vrai, sur Drôle de Jeu. Ouais, je pense que. Ouais, j'ai. Oh, ça non. Fait double joueur. Manu, s'il te plaît! Je te jure que je touche à rien! Mais non! Manu, tu faisais du bon travail! Attends! Micro! Attends, tu joues à quoi, là? Ah non, regarde, tu vas voir. Attends, même Françoise, elle vient de le confirmer. Elle vient de le confirmer. On reprend, Gérard, on reprend le débat. Donc, Françoise. Oui. Bah, donc, ah ouais, toi, tu m'as dit qu'on l'avait vu à Drôle de Jeu. Bon, toi, tu dégages, avant que je t'éclate. Avec ta caméra, là. Ouais. Tu as dégagé. Avec ta caméra. C'est dangereux, hein, Gérard. Hein. Chang. Ouais, c'est peut-être le standard. Ouais. Donc le Big Bill, c'est une image de synthèse. Mmh, c'est obligé. Et je ne l'ai jamais vu en vrai, non. Non, mais tu peux préciser si ça ne te dérange pas. Chang. Tu peux préciser? Oui, bah, c'est une image de synthèse, c'est-à-dire c'est fait par ordinateur. Et, On te demande si c'est... la question est... Le Big Bill est-il vraiment un extraterrestre? Est-ce que tu peux préciser ta pensée? Oui, c'est pourtant clair. C'est pas un extraterrestre, c'est une image de synthèse, c'est fait par ordinateur. Donc un extraterrestre, c'est... Oh là là là, mais attends, mais toi, tu comprends rien du tout, Sandy. Hein. Mais si, là, tu comprends, c'est toi qui comprends pas. Non, mais attends, moi, je te demande si le Big Bill est-il vraiment un extraterrestre. Bah attends, il me dit c'est une image de synthèse. Bah oui, non, c'est pas une image. Non. Je travaille sur Nintendo et sur Sony, je peux te dire que c'est une image de synthèse. Je suis programmeur, c'est bien tout ça. Le Big Bill est une image de synthèse, c'est tout. Attendez, il y a Gérard qui se lève. Non, mais ça, tu. Mais j'ai quelque chose d'autre là. Non, mais j'en ai besoin. C'est pas tout. Ouais, non, mais t'amuses pas à faire... Bon, Gérard, reprends le débat, là, parce que là, tu parles... Bon, alors, qui c'est qui nous reste à répondre? Il y a moi. Il y a Fleur d'Anus aussi, que t'as pas accueilli. Fleur d'Anus. Qu'on accueille. Bonsoir. Salut. Salut, Anus. Salut, Fleur d'Anus. Ça sent bon, hein? Salut à tous. Ah ouais, ça sent bon, le sperme, là. Quelle bonne odeur de merde. Ah, vous fermez vos gueules ou quoi, là? Ouais. Eh, putain, mais... Allô Gérard, je peux répondre? Pour calmer le débat. Dégage. Avec ta caméra, c'est pas Arrête, assieds-toi. Gérard, donc il y a Paradox sur IRC qui te demande si tu serais au courant que Bill serait le cousin de Icky. Non. Non, mais ça, tu vois, j'ai vu des trucs là-dessus, des sondages, j'en parle même pas parce que c'est des conneries. C'est des conneries, ouais. Tony, c'est bien, je viens de te reconnaître. Gérard, c'est Fleur d'Anus, je peux répondre? Oui, ben, réponds. Donc, moi, je pense que le Big Bill n'est pas un extraterrestre. C'est comme disait Chang, c'est un personnage inventé qui a été dessiné sur un ordinateur et qui a été envoyé sur l'écran. Voilà. Non, mais, je pense. Tu veux dire que c'est un mec qui est dans un gros truc bleu? Voilà, c'est un mec qui, en fait, qui est dans une boîte. Et c'est un costume qu'il porte. Voilà, c'est ça en fait. Ah d'accord. Voilà, c'est un mec qui est déguisé dedans. Voilà, avec des ampoules pour Attends, Casimir, qui c'est qui parle de Casimir là? C'est moi, c'est Françoise à l'appareil. Ah, c'est Françoise qui parle de Casimir. C'est cousin Casimir. Toi, je te dis que tu dégages la caméra, Fildar, tu as dégagé mes bites. Allez hop, Pildar. Alors moi, donc. Moi, je peux te parler là. Mais c'est qui? Canada. Ouais, le Big Bill, c'est pas l'extraterrestre, hein. C'est le nom de l'émission, c'est Bill qui est l'extraterrestre. Hein. Comment? C'est Bill qui est l'extraterrestre, hein. Le Big Bill, c'est le nom de l'émission. Ah, voilà quelqu'un qui répond à la question. Eh, attends, le Big Bill, c'est quoi pour toi? Le Big Bill, c'est le nom de l'émission. Big Bill. Big Bill. Big Bill. Bon, enfin, bref, apparemment, je pense lui, que... Lui, il a pas compris la question, il répond à côté. Non, mais... Non. C'est bon. Ah non, Bill, c'est un extraterrestre, non, d'accord. Non, mais t'es le seul qui répond à côté. Mmh. Ouais, regardez les mecs sur Internet. Ah, bon, Tony, d'accord. Il est pas là, Tony. Non, bien presque calmé. Pas. À partir de quel âge peut-on... Attends, moi j'ai un petit sondage, moi, avant la question. On a un petit sondage, quand même. À la question pour ou contre les jeux télé, il y a 52% des gens qui sont pour. Non, mais attends. 36% des gens qui sont contre. Péter la nuit. Hop. Alors moi, si ça commence comme ça, c'est simple. Le premier débat, Vincent. Oh non, il jouait pas. Ça te lavait les fesses, tu pues. Après, tu vas faire bander. Bah, Gérard, t'envoies le bois là un peu. Ça y est, vous avez piné vos conneries. Oh, les blancs. Ouais, bah, les blancs, celui qui s'amuse à mettre des conneries. C'est donc, maintenant, ça commence à me faire chier. Mmh. Je sens que tout à l'heure, on va garder que Françoise et on va reprendre d'autres personnes et au standard, aussi, ça va aller vite fait. Pipion et puis Denis aussi, elles ont été sages. Hein. Ah ouais, on a rien dit. Oui, moi aussi. Hein. Alors, à partir de quel âge peut-on participer à un jeu télé? On va demander à Fleur d'Anus. Moi, je pense qu'on peut participer dès l'âge qu'on peut participer, c'est-à-dire à partir de 10 ans. Voilà. Plus de nuit. Bah, moi, je pense qu'il faut être majeur. Non, parce que quand même, tu gagnes des Gérard, arrête, qu'est-ce que tu fais? Gérard, assieds-toi. Il veut taper Fildar avec la cam. Non. But de nuit. Gérard, t'occupes pas de la caméra, continue. Moi, je te disais, je pense qu'il faut avoir 18 ans parce que imagine, tu joues au Big Bill à ta. Bien le standard, Olive. Je sais pas d'où ça vient, je comprends rien. Non, mais là je pense que. Ça y est, Olivier, ça commence à bien faire. Je sens que dans 2 minutes, j'arrête. Ouais, ben, si t'es pas content, tu dégages. Et Manu, tu me coupes le double son. Ouais, c'est Big Bill qui nous parlait. C'est un auditeur qui fait ça. Je sais pas, Max, il a dit que ça venait peut-être du standard. Bah oui, ça vient du standard, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez l'intention de me faire chier sur les débats jusqu'à la fin de l'année. Pas du tout. Non, presque pas. Non, c'est toi qui te fais chier tout seul. Attends, comment ? Bon, allez. Hop. Alors, pute de nuit. Oui. Ça fait 5 minutes que je te réponds, mais tu m'écoutes pas, Gérard. Que je te disais qu'à mon avis, il faut être majeur. Parce que si tu participes au Big Bill et t'as 10 ans et que tu gagnes une voiture, t'as pas l'air con. Non, mais... Au moins, c'est ton permis. Non, mais attends... T'as pas ton permis, tu peux pas participer. Ça dépend, il faut gagner des voitures à pédale aussi. Tony, tu fermes ta gueule ! C'est pas Tony. Ou Arnett. Alors celui qui a... Putain, Olivier ! Olivier, tu me calmes ça ! Tu calmes ! Oui, je calme. Magne ! Oh ! On se calme ! C'est bon, on se calme. Voilà, tu vois. Alors, Pipion ? Bah, je suis d'accord avec Pete Dunley, faut être quand même mineur ou majeur. Le blanc. Non, mais attendez, parce que là, je suis en train de... Non, parce que Gérard, tu suis pas ton débat, c'est tout, et c'est pour ça qu'il y a des blancs, quoi. Fais attention à ce que les gens disent, plutôt ce qui se passe en studio. Alors, Il manque la maturité, en fait. Et on a deux francs, Ringo, s'il te plaît. Prenez là. T'as deux francs, Ringo, s'il te plaît. C'est pas non, mal, mais là. Vous jouez à quoi, là ? Ça deal grave. Oh ! Mais qu'est-ce que quoi ? Gérard, tu t'as pas... Dégage Retenez-le. Non mais sors de là si tu veux qu'il dégage. Va t'asseoir. Je vous explique, Gérard est en train de courser Fildar dans le studio. Dégage ! Oui, il dégage, s'en va. Vas-y, je te couvre, Phil. S'en va. Allez, voilà. Gérard... Pour calmer le débat, il y a Izen sur l'internet qui te demande si toi dans la radio là tu te sens pas un peu comme Big Bill dans sa télé. Non, pas du tout. Et on accueille Pot de Couille. Non. Bah si, on accueille Pot de Couille à la place de Kennedy qui a raccroché. Bonjour Gérard. Alors Pot de Couille. Bonjour Gérard. J'ai pas entendu la question. Hein. Salut Pot de Couille. Alors à partir de quel âge peut-on jouer aux jeux de télé ? À partir de quel âge ? Bah pour le Big Bill, le truc pas fut, là, je sais pas, 8 ans. Big Bill, ouais. Allô ? Non mais je t'écoute ! Bah oui, j'ai dit 8 ans. 8 ans, d'accord. Chang ? Bah je crois qu'ils vont avoir la majorité pour participer à un changement. Hein. Majorité absolue ? Ouais. Non mais tu... vous pouvez préciser ou pas, là ? Bah oui, il faut avoir la majorité, c'est-à-dire 18 ans. 18 non. ans, c'est-à-dire un peu plus de 17 ans. Bon, d'accord. Et toi, quand t'auras fini de te foutre de ma gueule, tu me préviendras. Ok. Françoise. Oui, ben moi, je réponds à partir de la majorité. Françoise. 5 minutes. Olivier. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me cales Chang, sinon, parce que ça va pas aller long. Ça va pas durer. Maintenant, on reprend tout d'abord. Non, mais ça va pas durer longtemps, hein. Je sens que... Je me calme. C'est bon, réponds c'est à Françoise. Je vais pas faire 11 questions. Mais toi à la question, tu penses quoi d'ailleurs ? Enfin, quel âge donc, toi, Françoise ? À partir de la majorité. Mm-hmm. Ouais, mais je pense, là, ce soir, t'as regardé comme moi ? Bah oui. Bon, donc, t'as vu qu'il y avait des personnes avec leurs enfants, donc... Mais ils n'ont pas le droit de participer. Hein. Bah ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que t'as plusieurs personnes qui ont... Il y a des enfants qui se mettent de la peinture sous les pieds. Ils ne sauraient pas répondre aux questions aussi. Comment ? Quand on est trop petit, on ne peut pas répondre aux questions. Ouais, mais attends, faut quand même dire, c'est que il y a le mari, il y a les enfants qui sont là pour essayer de conseiller. Gérard, depuis tout à l'heure, tu demandes est-ce qu'il faut avoir la majorité, à partir de quel âge ? Mais est-ce qu'il y a un âge limite ? Est-ce qu'on peut être trop vieux pour participer à un jeu ? Non. Voilà, exactement, parce qu'il y a Yankee sur l'IRC, il te demande jusqu'à quel âge on joue au Monopoly. Par exemple. Non, mais ça, le Monopoly, t'as pas d'âge, c'est comme le Scrabble. T'as pas d'âge pour jouer là-dessus. C'est autorisé à toute personne. Hein. C'est pas possible qu'il y ait une dame de 94 ans qui joue au Big Bill. Si, ça peut se faire. Parce que t'as déjà vu, toi qui regardes tous les soirs. Non, mais tu peux demander à Françoise. On a vu des personnes que, qui étaient assez vieilles. Ouais. Donc, qu'on jouait. Bon, c'est sûr. Elles n'ont pas gagné, alors. Bah, disons. Si, tu peux gagner, hein. Ouais, mais c'est pas toujours évident parce que c'est pas facile, hein. Donc, t'as déjà vu à Fort Boyard une mémé faire un saut à l'élastique, toi? Non, attends, là, Fort Boyard. Faut pas comparer Fort Boyard avec Fort Boyard. Avec Fort Boyard. Non, parce que là. Et la famille en or, c'est pareil, les trucs comme ça. Françoise, sur IRC, on me dit que c'est aussi dangereux. Bah oui, c'est dangereux. Imagine, ils font une crise cardiaque s'ils gagnent une bagnole. Non, mais attendez, là, on va éclaircir un peu les jeux. Tiens, mets de la lumière pour éclaircir, Oli, s'il te plaît. On va éclaircir un peu le système des jeux. Là, faut dire une chose, que aujourd'hui, dans la famille Yanor, il y avait une qui s'est... Dans les imitatrices. Mm-hmm. Je pense que, Françoise, tu l'as regardé comme moi. Dans quoi? Dans la famille en or. Non, je regarde pas la famille en or. Bon, donc il y en avait une qui se faisait passer pour Madonna. Ouais, ben ça j'ai vu le passage. Il y a Colombo et tout ça, mais disons que je ne regarde pas. Je ne regarde plus la famille en or pour la bonne raison, c'est que depuis qu'il y a Pascal, ça n'est plus pareil. Ouais, mais. C'est vrai qu'il est tout naze. Hein. Non. C'est plus qu'à brûler. À propos de la famille en or. Attendez. Où sont-tu, toi? Va te pas enculer, toi, connard. C'est pas Patrick Roy? C'est vrai. Non, il faut pas parler de Patrick Roy. On accueille Benjamin. Allô? Et Benjamin. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Donc, une question IRC avant que Benjamin réponde. Oui, on me demandait si on peut jouer à la famille en or tout seul. Non, pour être 5. Ah, mais si on n'a pas de famille et qu'on veut être la famille. Non, mais tu peux très bien trouver des gens que tu connais et tu les inscris avec toi. C'est mais s'ils ne sont pas de ta famille? Mais même, c'est qu'une famille en or. Comment tu fais? Non, c'est des copains en plomb. Attends. Non, même si c'est pas de ta famille, tu peux... Comment on fait? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible si c'est pas de ta famille, si c'est une famille en or. J'ai coupé les auditeurs pour pas qu'ils te... Gérard, mais comment on fait? Et quand on a non, pas mais... Et quand on a pas d'amis, attendez, pas les trois d'un seul coup, donc ouais. Rigaud, priorité. Quand t'as pas de famille et pas d'amis et que t'es tout seul, comment tu fais pour gérer une famille en or? C'est discriminatoire comme jeu. Non, ouais. Mais de toute manière, tu peux prendre quelqu'un que tu connais bien. C'est plus une famille. Mais non, mais même... Donc le type du jeu, il a plus rien à voir. Non, je m'inscris en faux, je suis désolé, c'est pas possible. Bon, attends, c'est discriminatoire. Ah ouais. Ah ouais.